À l'occasion de l'anniversaire du décès du président Kim Il-sung, l'association d'amitié Bulgarie-Corée a présenté dans son bulletin de juillet l'histoire abrégée de ses activités révolutionnaires.